Amis humains, bonjour. Le nucléaire, c'est l'avenir, pêle-mêle. Écoutez. 1. Le risque d'attentat, kamikaze, bombe, sabotage. 2. Le risque d'accident, erreur humaine ou défaillance technique. 3. Il est aujourd'hui reconnu par le lobby, contrairement à avant, que le risque zéro n'existe pas, SIC. 4. Réacteurs nucléaires bâtis sur des zones sismiques, voire carte des zones, ou en zone inondable et inondée, exemple, réacteur de Blaye. 5. Le stockage des déchets pendant des milliers ou milliards d'années, en comptant sur une hypothétique solution scientifique. De graves questions se posent, comment sera-t-il possible de garder la mémoire d'un site de stockage? Comment éviter les risques d'intrusion humaine? Qui peut garantir la stabilité du sous-sol sur de telles périodes? Combien de temps la radioactivité mettra-t-elle à contaminer l'environnement? Le fût ne reste pas étanche et se dégrade, il y a toujours des infiltrations d'eau. 6. Le stockage de ces gravats radioactifs. 7. Alibi scientifique, pour rassurer la population, on ne parle pas de site d'enfouissement des déchets radioactifs, mais de laboratoire souterrain de recherche géologique. Ex, bur, ou peu de population. Donc moins de protestations. 8. Les longs transports des déchets radioactifs avec tous les risques. Attentats, détournements, vol de matière à usage militaire, défaillances humaines ou techniques, fuite. 9. Achat des consciences, l'État fait miroiter et arrose par des avantages financiers importants. 10. Le démantèlement très coûteux des centrales nucléaires est constamment réévalué, mis en lumière par la Cour des comptes. 11. Pollution et gaspillage de très grandes quantités d'eau pour refroidir le réacteur. 12. La dépendance en approvisionnement de l'uranium dans un continent instable, l'Afrique, Niger. 13. L'épuisement de cette matière première non renouvelable. 14. Coût important, budget colossal, le kilowatt-bar/h de l'électricité nucléaire est bien plus cher quand on prend en compte l'ensemble des coûts. 15. Prolifération des armes atomiques en produisant du plutonium. Le manque d'information, manipulation et la désinformation du public, l'EPR, dit nouvelle génération de réacteurs nucléaires, en fait c'est à peu près le même en plus gros et il conserve les problèmes. Tchernobyl. L'impact du nuage nucléaire a été censuré au mépris de la santé et de la prévention de la population. 18. Le classement secret défense, ou industriel, d'informations importantes. Pour la sécurité mais aussi dérangeante pour EDF, un bon prétexte. Par exemple, l'EPR ne résiste pas à une catastrophe aérienne ou un attentat. EPR, sigle anglais de réacteur européen à eau sous pression, SIC. 19. La COGEMA, rebaptisée AREVA pour se refaire une virginité. Qui est l'organisme de sécurité est jugé partie et dépend d'EDF. Elle n'est pas indépendante, transparente. 20. Le nucléaire empêche les énergies renouvelables de se développer. La recherche, 98% pour le nucléaire, 2% pour le renouvelable. 21. Incohérence, comment demander à l'Iran, la Corée du Nord de ne pas se munir de centrales nucléaires. Quand soi-même on en utilise. 22. Est-il envisageable que le monde entier développe le nucléaire, ex, pour la voiture électrique, etc. En France, nous avons 58 réacteurs. Plus de 250 dans le monde, et demain. 23. Quel héritage laissons-nous aux générations à venir? De quel droit? Le nucléaire est un choix criminel. Etc. 8000 ans avant aujourd'hui, néolithique, ou âge de pierre. 2054 ans avant aujourd'hui, Jules César vint vers Saint-Gétorix à Alésia. 40 ans après aujourd'hui, la première centrale nucléaire française produit ses premiers déchets. 16 millions d'années après aujourd'hui, un autre déchet nucléaire, l'iode 129, perd la moitié de sa radioactivité. 3303 ans avant aujourd'hui, naissance de Ramsès II, pharaon. 213 ans avant aujourd'hui, révolution française. 24 000 ans après aujourd'hui, un déchet nucléaire, le plutonium-239, perd la moitié de sa radioactivité. 4,5 milliards d'années, demi-vie de l'uranium-238. 5 ans, mandat d'un député. Il est temps de sortir du nucléaire. En Europe, des pays ont décidé de sortir du nucléaire, il est important de développer les énergies renouvelables, les méthodes alternatives et surtout réduire la consommation d'énergie. C'était une sélection Radio Parasite. À bientôt et grosse bise numérique.